Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Passez une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène pendant deux heures, comme tous les vendredis. Le mix de Ludo. Version 1984 avec Axel Bauer, Cargo de nuit. À suivre, Tarzan Boy, la même année. Ce sera le Baltimora. Baltimora, pardon. C'est mieux en articulant, c'est mieux. Passez un bon week-end à l'écoute de votre radio. C'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, le mix de Ludo. 35 jours sans voir la terre, plus l'oreiller mal rasé. On vient de débarquer, cargo de nuit. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. La nuit de nuit change de port, cargo de nuit. J'avance sur ce quai humide, la sueur brûle comme l'acide. Oh,

1985, les Commodores. Inclus dedans, il y avait Lionel Richie et Marvin Gaye, si je ne me trompe pas. Night Shift. J'adore ce morceau. Passez une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. On a 2 heures à passer ensemble, comme tous les vendredis soirs. Faisons les choses bien. Direction l'année 89, David et Jonathan. David et Jonathan, voici une bonne soirée, c'est Ludo qui vous emmène. I got to go for the guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, because I play them too. Oh, but I de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside. don't mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of stone. Un bon anniversaire à notre Jean-Jacques, qui est né le 11 octobre dernier. Enfin, qui est né le 11 octobre, mais 51, bien non. Oh, Come on, baby. Laurent, les lèvres vont mieux maintenant. Our house in the middle of us. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo.

Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Affirmatif. Et qui d'autre? Brune, blonde, affirmatif. Et rouquine. Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'assure, affirmatif. Quoi? Tout seul? La technique? Affirmatif. Du doigté? Self-control? Affirmatif. Comment ça? Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté? Peu importe, affirmatif. Ce que je peux faire? Obsédé, affirmatif. Sexuel. Si j'assure, affirmatif. Quoi, tout seul? La technique, affirmatif. Du doigté? Self-control, affirmatif. Comment ça? Affirmatif. Quoi d'autre? No comment. Si j'aime ça, affirmatif. Quel côté? No comment. Peu importe, affirmatif. Ce que je préfère. No comment. OCD affirmatif sexuel. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. We'll be right back. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Changeons de décennie pour définir. Pour finir cette émission, voici Lenny Kravitz, 1991, Over It's Over. Passez une bonne soirée, à l'écoute de votre radio, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Bon week-end. To the see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder with an aching deep in my heart. Come on. with a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pools ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Le mix de Ludo. Le mix. First time was a great time. Second time was a blast. Third time I fell in love. Now I hope it lasts. I can see it in your walk. Tell it when you talk. See it in everything you do. Even in your thoughts. You got the right stuff, baby. Love the way you turn me on. You got the right stuff, baby. Isso não faz mal. Vem. soir. Si si, tout le monde appelait Pasta. Elle m'a raconté son histoire, mytho ascendant boba. Et moi je faisais semblant d'y croire. Calling Manson and Cuso. All right.